Le dirigeant suprême Kim Jong-un a envoyé le 22 la couronne mortuaire devant la dépouille du directeur général de l'air civil Kang Il-sop, membre suppléant du comité central du Parti du Travail de Corée, député à l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, lauréat de l'ordre Kim Il-sung et héros de la République, en signe de ses profondes condoléances à son décès.